votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Et les cinquièmes samedis du mois aussi, d'ailleurs, puisque c'est le jour. On est bien le 30 novembre 2024 et vous êtes sur Radio Campus, sur les 106,6 MHz, sur DAB+, ou sur campuslille.com. Vous êtes bien sur Radio Campus, une émission proposée, angle d'attaque, une émission proposée par les trois attaques de la métropole lilloise. Attaque A2TAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, une association surtout d'éducation populaire. On va en faire aujourd'hui, d'ailleurs, comme d'habitude. Pour vous servir aux manettes, à la réalisation et au micro et au timing, Florent, Morgane le billettiste, Didier le nouvelliste et à mes côtés, Lionel, pardon, Ludovic avec ses lunettes et son look gramscien. Je suis Christian et je suis au micro. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Eh bien, nous allons parler d'une actualité qui était très chaude, qui s'est un peu refroidie maintenant et qui risque de réchauffer vu le résultat des élections. Il s'agit des élections américaines. Et nous allons parler des élections américaines avec quelqu'un qui connaît bien la civilisation américaine. C'est Lionel Urtez. Urtez, on dit Urtez, pardon, excuse-moi. Urtez, j'ai oublié le R. Lionel Urtez, qui est donc est professeur agrégé à FEDERBE et donc qui prépare nos étudiants aux grandes écoles. Mmh. Voilà, bonjour. Ça va, ça oui. Bien, et bien, c'est Lionel, pardon, c'est donc, quand même, deuxième erreur, c'est Ludovic qui va poser la première question. Oui, donc effectivement, donc Trump a été réélu le 5 novembre, faisant d'ailleurs mentir un peu les sondages, puisqu'apparemment ça devait être serré. Finalement, ça n'a pas été si serré que ça. Ça veut dire. Et par ailleurs, effectivement, c'est un succès tout à fait flamboyant, puisque effectivement, il réalise un triplé outre la présidence. Il arrive aussi à rafler les deux chambres du Congrès. Voilà. Est-ce que vous pourriez peut-être revenir un peu sur les résultats complets? Bon, peut-être tout d'abord sur le vote populaire, parce qu'apparemment Trump a gagné le vote populaire, contrairement à 2016. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en 2016, Trump avait gagné le vote du collège électoral, alors qu'il avait perdu le vote populaire. Et cette fois-ci, c'est pour ça que cette élection, elle est difficile à remettre en question, puisqu'il a gagné à la fois le vote populaire et le vote du collège électoral. Donc il a réussi à obtenir la majorité au niveau du collège électoral. Donc je pense qu'on va revenir justement sur le fonctionnement de ce collège électoral. Et il a réussi également à prendre donc la chambre des représentants, c'était quelque chose d'assez serré, hein, puisqu'il a fallu attendre plusieurs jours pour obtenir ces résultats. Et également donc le Sénat qui était déjà très serré, hein, puisqu'il n'avait qu'une voix, il avait une voix de majorité jusqu'à maintenant. Et donc à partir de 2025, le Sénat tombe dans l'escarcelle finalement des républicains, avec un nouveau chef de la majorité républicaine qui succède à Mitch McConnell. Voilà. Il n'y a pas du tout de démocrate, si, quand même, au Sénat. Au Sénat, vous avez... Oui, il y a quand même... Oui. Il y a un démocrate, oui. Mmh. Pour revenir sur le mode d'élection américaine, bon, on dit c'est pas une élection suffrage universel, donc il y a la première partie, les caucus, les grands électeurs, puis l'élection proprement dite. Bon, il y a toujours deux sénateurs par État, quelle que soit la population de l'État. Hein, exactement. Et il y a ce fameux principe de winner takes all, c'est-à-dire le gagnant prend tout. Exactement. Donc c'est quand même un mode d'élection assez particulier. Oui, voilà. C'est-à-dire que, en fait, c'est un suffrage donc indirect. C'est-à-dire que les Américains, donc les citoyens, vont voter pour des grands électeurs. Donc ces grands électeurs sont choisis par chaque parti. Donc si on prend un État, les grands électeurs vont être choisis par les républicains et par les démocrates. Et selon finalement le résultat populaire de l'État, ça sera celui qui va arriver en premier, qui va rafler finalement l'ensemble des grands électeurs. Mmh. Donc ce système du winner take all est valable dans 48 des 50 États. Il n'y a que le Nebraska et le Maine finalement où il y a une dimension proportionnelle, mais c'est finalement quelque chose d'assez antidémocratique. Hein. C'est quelque chose qui est très critiqué aujourd'hui puisque ça a tendance à favoriser le parti républicain. Et qu'est-ce que ça dit ? Enfin, on parle que ça a été voulu par les pères fondateurs, c'était pour justement préserver les grands équilibres, enfin je sais pas, c'était... Alors, à la base, en fait, bon, ça part d'un principe qui n'est plus valable aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on estimait que les Américains, enfin, en tout cas les citoyens, n'avaient pas accès aux informations, à tout ce qui se passait à Washington. Et donc il fallait, pour cela, déléguer leur vote à une partie de la... à un groupe de personnes qui connaissaient bien Washington et qui étaient les mieux à même de choisir le président des États-Unis. Mmh. Mais finalement, cette absence d'information n'est plus valable aujourd'hui et on se rend bien compte que ce système va favoriser plutôt les États, les petits États d'abord, et ensuite va favoriser aussi les républicains. Et sans parler aussi de cette concentration d'attention sur les États, les swing states, hein, dont on a beaucoup entendu parler, et qui finalement se fait au détriment d'autres parties de la population qui sont absolument négligées. Hein. En fait, ça s'est joué dans cet État, en fait. Exactement, c'est ça. Ce qui fait que les candidats ne prennent pas la peine d'aller dans les États qui leur sont déjà acquis, puisque de toute façon, il n'y a aucun enjeu. C'est pour ça qu'ils vont faire deux à trois, parfois, meetings dans le même État, dans la même journée, juste pour avoir une poignée de voix, finalement. Et ça rend l'élection américaine est détenue entre les mains de quelques électeurs, finalement. Et ce n'est jamais dénoncé, ça ? C'est dénoncé par certains démocrates, hein, notamment, et parce que c'est plutôt à la faveur du Parti républicain. Oui, bien sûr, oui. Et ensuite, la question, c'est l'alternative. C'est-à-dire que il y avait deux alternatives, donc au moment où ça a été conçu, hein, il y avait la possibilité du vote populaire, hein, c'est-à-dire un suffrage universel direct qui était possible et qui finalement remettrait l'ensemble des Américains au centre de la question. Mais si c'était le cas, ça serait vraiment à l'avantage des démocrates, évidemment. Alors, il y a également aussi le rôle de l'argent qui est fondamental dans les élections américaines. Est-ce que vous pourriez revenir, effectivement, là je vois qu'il y avait eu 2,75 milliards de dollars qui ont été dépensés à la fois pour Donald Trump et Kamala Harris. Est-ce que vraiment il y a quelque chose là de structurel aux États-Unis? Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus, et notamment sur le fait qu'Obama, peut-être manifestement, a changé les règles et a autorisé le fait que maintenant il n'y a plus de... Il n'y a plus de plafond, en fait. Exactement. En fait, ça date de 2010. Et la création des super PAC. Qu'est-ce que c'est qu'un super PAC ? C'est finalement la possibilité pour n'importe qui, et notamment des entreprises, de financer finalement la campagne d'un candidat. Et ce qui fait que ça pose plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est le problème des lobbies. C'est-à-dire que une grande entreprise qui va financer un candidat, on peut se dire que le candidat aura ensuite envie de rendre un petit peu le service. Et ça a été dénoncé notamment par Bernie Sanders, de toute façon en 2016, puisque en 2016, il avait défendu l'idée des micro-dons. Vous savez, les micro-dons, ce qui fait que c'était plutôt des particuliers, et ça permettait d'enlever la puissance des lobbies qui est à l'œuvre de manière plutôt obscure dans la campagne présidentielle. Oui, là, dernièrement, on pense aussi à Elon Musk qui a donné de sa personne, on va dire, qui a modelé Twitter pour Donald Trump, et on pense aussi à sa loterie, à la légalité douteuse en Pennsylvanie. Exactement. C'était quasiment des achats de voix, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très libre aux États-Unis et qui, manifestement, n'est pas forcément prêt d'être régularisé. Hein. Donc les États-Unis sont une forme de plutocratie, on pourrait le dire. Exactement. On pourrait le dire comme ça. Ouais. Exactement. C'est-à-dire que vous avez un président qui va plutôt donner du pouvoir à ses amis, aux personnes qui lui ont fait des dons pendant la campagne. Oui, ce qui peut expliquer certaines, notamment sur Israël, où l'AIPAC, entre autres, qui est un des grands lobbies sionistes, a sans doute financé les deux candidats, et en partie sans doute Biden, et que du coup il y a un retour sur investissement. Morgan. On peut dire les élections américaines, bon, c'est clairement la victoire de Trump, mais dans quelle mesure c'est l'échec, voire le fiasco du Parti démocrate ? Parce qu'on voit bien qu'entre 2016 et 2024, bon, le parti de Donald Trump a une évolution constante en nombre de voix. Pour les démocrates, alors Biden avait remporté un peu plus de 81 millions de voix en 2020. Et là, c'est effondré à un peu moins de 74,5 millions de voix en 2024. Alors, qu'est-ce qui s'est passé globalement, en fait ? Alors là, justement, c'est la principale question actuelle. C'est-à-dire que les démocrates sont en train de faire ce qu'ils appellent le post-mortem, hein, c'est-à-dire une autopsie de l'élection en essayant d'identifier les principaux problèmes. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Du point de vue des démocrates, un des problèmes était le manque de transparence, finalement, par rapport au programme d'économie. C'est-à-dire que Kamala Harris avait un mémo, hein, qui était sur son site, mais finalement, elle parlait très peu de ça, et les gens entendaient très peu, finalement, son programme économique. Les gens entendaient surtout, une personnalité qui va mettre en avant les différentes identités. Et c'est vrai que on peut regretter peut-être l'importance qui a été donnée à différents groupes, en fait, et ce qui a peut-être repousser certains électeurs, c'est-à-dire que en s'affichant comme femme noire, etc., il y a des personnes qui ne voulaient pas justement rentrer dans ce système-là, et ont préféré changer, aller vers Trump. Alors, non pas peut-être. Alors après, il faut au niveau des motivations, il faut voir, mais surtout peut-être par rejet aussi de la candidate, mais Ce qu'on peut retenir de cette, les leçons finalement de cet échec, c'est aussi les sondages peut-être. On peut revenir aussi là-dessus, c'est-à-dire que les sondages aux États-Unis sont financés, la plupart sont financés par les partis. Donc les médias en général font la moyenne des sondages, c'est-à-dire que ils vont prendre la totalité. Donc vous avez des agrégateurs de sondages qui vont faire la moyenne des sondages, et ce qui fait que on a l'impression que c'est une c'était très très serré. Alors que finalement, chacun des camps donnait vainqueur leur candidat. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez difficile à lire et difficile d'anticiper. Hein. Mais sur la campagne de Kamala Harris, notamment, on a dit qu'elle tenait plus à montrer des néoconservateurs qui voteraient pas Trump plutôt que des gens, des ouvriers, des gens de gauche. Ben voilà, exactement. Et c'est de toute façon la première chose que Bernie Sanders a dit, c'est que elle n'avait pas réussi à parler finalement aux Américains. Et je pense que elle incarne aussi cette élite dont elle a du mal à se distancier parce que elle a dû faire face à cet héritage de Biden. Donc à la fois elle devait défendre cet héritage, mais aussi elle devait se présenter comme quelqu'un de différent de Biden. Et ça, c'était elle était sur ce fil, un petit peu un équilibre qui était assez difficile à tenir. Et donc, par exemple, défendre l'héritage de Biden en politique internationale et en même temps présenter sa propre voix, c'était quelque chose d'assez difficile. Et d'ailleurs, une des stratégies de Trump dans ses discours, c'était de dire Kamala Harris, la vice-présidente. Et à chaque fois, il a nommé vice-présidente Harris, vice-présidente Harris, juste pour justement l'associer toujours au mandat de Biden. D'accord. Et c'est vrai que c'est une difficulté. Et après, au niveau de ses choix, c'était plutôt d'aller vers le centre, comme vous l'avez dit, en montrant ces néoconservateurs qui étaient un petit peu trop interventionnistes, notamment pour Trump, mais très peu, en allant très peu vers la gauche, d'ailleurs. Hein. Ouais. On a une idée du mémo en question sur ces projets ? Sur ces projets économiques, étaient de toute façon en lien dans la lignée de ce que Biden avait proposé. Ouais. Hein, c'est-à-dire que toujours c'est la même politique de relance dans les infrastructures, etc. C'est-à-dire que c'était essayer une certaine continuité, on va dire. Ouais, c'était une politique économique qui était... Enfin, même Biden avait quand même eu... certains succès, mais qui, bah, pour les classes moyennes et populaires, étaient complètement dévorés par l'inflation, en fait. Et c'est là-dessus que Trump a attaqué, en fait. Exactement. C'est-à-dire que Kamala Harris, c'est vrai que c'est un discours qui est difficilement audible. C'est-à-dire que quand on dit l'économie va bien et que les classes populaires voilà, se rendent bien compte que bah, ça ne va pas si bien que ça, c'est normal qu'elles perdent en crédibilité. Et Trump a joué là-dessus en disant à chaque fois, bon, est-ce que vous êtes mieux maintenant qu'il y a 4 ans ? Et même si ce discours est absolument erroné, et parce qu'il y a bien d'autres paramètres à prendre en compte, c'était un discours qui était entendu par la classe populaire. Oui, ouais, et puis même Kamala Harris, qui n'arrive pas à se distancier de Biden, mais qui en même temps arrive à 3 mois de la fin de la campagne, face à Donald Trump, qui est une vedette, qui a un peu un côté rockstar, est-ce que les démocrates devraient pas à l'avenir présenter leur propre rockstar, un peu comme Obama qui était excellent en communication et qu'ils n'ont pas réussi à renouveler. Alors ça c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui ait le charisme d'un Donald Trump. Alors c'est pas évident à trouver, mais une des caractéristiques d'Obama, c'est que il avait évidemment ce charisme, mais il faisait aussi partie de ce qu'on appelle l'élite quand même aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il venait pas de n'importe où, c'était aussi quelqu'un qui fait partie de cette classe politique déjà présente, quoi. Donc c'était pas un inconnu, quoi. Et c'est vrai que il avait à la fois le charisme et cette appartenance finalement à cette classe politique. Elle n'aurait pas eu le temps d'avoir du charisme, en fait, c'est ça. C'est ça. Et puis surtout, elle a eu très peu de temps quand même. Hein. C'est vrai que face à quelqu'un qui est sorti vainqueur de son attentat. Et depuis Obama, au moins, on parle du Parti démocrate comme le parti de Wall Street. Est-ce que c'est, enfin, qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans ? Qu'est-ce qu'il y a de... De toute façon, il faut dire que le Parti démocrate, c'est pas un parti de gauche. Enfin, c'est vrai qu'on peut pas, dire ça. Par rapport, si on faisait des comparaisons par rapport à la France, évidemment, ça serait, c'est pas du tout à gauche. En revanche, à l'intérieur du Parti démocrate, vous avez des tensions, et c'est pour ça que c'est une des limites de ce système à deux partis, c'est-à-dire que les tensions se font à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parti extérieur qui va venir remettre en question ces deux partis, et c'est vraiment des tensions à l'intérieur. Intérieur même du Parti démocrate, qui vont peut-être redéfinir aussi les contours d'un projet futur, quoi. Et c'est ce qu'il faut espérer. Donc peut-être que Sanders va finir par s'imposer. En tout cas, il est toujours aussi audible. Hein, et c'est vrai qu'il est très présent. Ouais. Alors maintenant, on va parler des conséquences potentielles de la victoire de Trump. Alors sur l'écologie, effectivement, forcément, c'est pas une bonne nouvelle. Là, on a appris qu'il vient de nommer à la tête de l'agence de protection de l'environnement un certain Lee Zeldin, un parlementaire proche de Trump, qui a pour tâche de déréguler les normes anti-pollution, qui bien sûr est climato-sceptique. Et Trump lui-même continue effectivement à penser que le dérèglement climatique, je cite, est un canular et que c'est un complot ourdi par les Chinois. Voilà, est-ce que... c'est difficile de se mettre dans la tête de Trump, mais est-ce que vous pensez que Trump a, par exemple... vouloir sortir, par exemple, de l'accord de Paris. Bon, je ne sais pas si c'est un... Je sais pas si on peut répondre déjà à cette question, mais voilà, est-ce qu'il y a une volonté, en tout cas, de la part de Trump, déjà, de... Ouais. Peut-être, éventuellement, de s'affranchir de cet accord, sachant que cet accord, de toute façon, est déjà mal en point, mais voilà. Parce que... De toute façon, on peut envisager le prochain mandat de Trump à l'aune de son premier mandat, et je pense qu'il n'y aura rien de surprenant dans les politiques environnementales qu'il va mettre en avant. D'autant plus que, lors de ses meetings, il aimait bien rappeler « drill, baby, drill », toujours pour justement attirer les foules et vraiment montrer finalement quelque chose d'assez explicite chez lui, c'est-à-dire qu'il est en faveur d'une dérégularisation totale, comme vous avez dit. Et le choix justement de cette personne à la tête du EPA, c'est vrai que c'est aussi un signal fort qui est envoyé contre les énergies renouvelables. C'est quelqu'un qui a voté à plusieurs reprises, plus d'une douzaine de fois, contre le Clean Air Act ou le Clean Water Act, qui sont des lois justement de régulation pour protéger l'environnement. Et Trump, de toute façon, fait partie de cette branche républicaine absolument climato-sceptique et ouvertement climato-sceptique. Ouais. On peut parler aussi de la question migratoire, en fait. Donc, alors, c'était une thématique qui, auparavant, notamment sous Barack Obama, était abordée de façon, on va dire, plus positive, qui défendait quand même plus de régulation, régularisation plutôt de sans-papiers étrangers. Et pourtant, avec Donald Trump, et dernièrement, c'est vu d'une. Beaucoup plus avec crainte, avec où Donald Trump agite un épouvantail. Là, bon, dans sa campagne, il entendait utiliser des lois du fin 18e siècle, 19e siècle pour expulser des millions de personnes migrantes. Il parle des déportations pratiquées par Eisenhower, qui apparemment par les historiens est vu de façon complètement catastrophique. Comment en est-on arrivé là? Alors que même les immigrants ont un rôle vraiment plus positif au niveau de l'économie. Là, ils parlent d'expulsion massive, alors que ça peut avoir un effet négatif, notamment au niveau du prix du logement, puisque beaucoup d'étrangers travaillent dans le bâtiment, ou au niveau de l'alimentation, puisque là aussi, c'est un endroit où beaucoup de sans-papiers travaillent, en fait. Exactement. Donc il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Hein. C'est-à-dire que bon, le premier point, c'est qu'il faut quand même faire un petit rappel sur Biden et sa cote de popularité avait franchement baissé lorsqu'on avait vu des images justement des policiers qui renvoyaient des migrants qui essayaient de tenter de traverser quoi. Et ça, c'est vrai que c'était, on voyait une garde montée qui était en train de refouler les migrants, et ça avait profondément choqué, parce qu'on s'était dit Biden est élu et finalement il refait la même chose que Trump, c'est-à-dire que la question de l'immigration, c'est une question qui est à la fois symbolique et qui est qui cristallise aussi une certaine situation politique actuelle. Donc les deux, de toute façon, les deux candidats avaient mis la question de l'immigration quand même au centre de leurs préoccupations. Mais ce que Trump avait suggéré, de toute façon, c'était cette déportation massive qui plaît de toute façon à une partie de la population. Et ce qui est assez surprenant, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut souligner quand même, c'est que la question de l'immigration fait aussi partie de certaines priorités de l'électorat hispanique, notamment au Texas, par exemple. Pour eux, la question de l'immigration était une question importante. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils votaient aussi pour Trump, ce qui est assez surprenant. Mais ça, on peut revenir sur le vote des minorités hispaniques et des femmes aussi. Mais c'est vrai que c'est une réaction qui est assez surprenante. Donc, pour revenir justement sur la question de l'immigration, il y avait un article cette semaine dans le New York Times de Paul Krugman qui expliquait justement que Trump allait certainement, de toute façon, cibler ces déportations, et parce que, comme vous l'avez dit, ça profite à certaines entreprises. L'immigration permet le développement de certaines entreprises. Et donc, ce que Trump risque de faire, et il a tout à fait la possibilité de le faire, c'est de cibler les déportations en fonction de qui va bénéficier, en fait, des bénéficiaires. Ouais. Et ce qui va encore créer des inégalités et aussi une différence de traitement entre les localités qui seraient à majorité démocrate et les localités à majorité républicaine. Mais outre qu'il assimilait quand même les migrants à des criminels, il n'y a pas un effet le dernier arrivé ferme la porte, quand un peu comme des générations d'immigrés qui sont intégrés maintenant et qui ne veulent absolument pas que d'autres rentrent. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension-là avec, encore une fois, cette dimension symbolique où ils ne veulent pas être associés à ce que Trump résume avec ses mots assez violents et En fait, les deuxième et troisième générations sont vraiment américains, quoi. Ils sont plus latinos ou... Voilà, c'est-à-dire que voilà, c'est ça. C'était le côté surprenant, enfin, vous l'avez trouvé surprenant, c'est-à-dire son meeting à Madison Square une semaine avant en humoriste, quand même, a été approuvé par ses équipes de campagne qui insultent les hispaniques, qui dit que les portoricains sont des déchets humains. Et une semaine plus tard, bah, les hispaniques, enfin, quand même, une part plus croissante d'hispaniques votent quand même pour Trump, quoi. Donc, Exactement, c'est vraiment surprenant. Et en fait, bon, de toute façon, le meeting du Madison Square Garden, c'est quand même quelque chose d'assez important, vraiment à retenir, parce que c'est là, justement, où il a exprimé le plus franchement ses voix, hein. C'est-à-dire que il était dans un univers plutôt démocrate, hein. On est à New York, c'est plutôt voilà, il y a aussi le choc aussi culturel, c'est-à-dire qu'il vient faire ses annonces dans une ville à majorité démocrate, et donc il y a une certaine provocation là-dedans, et vous avez donc cet humoriste, en tout cas qui se dit humoriste, qui fait cette association. Vous avez aussi le catcheur professionnel, hein, qui fait aussi son numéro. Vous avez quand même beaucoup de remarques racistes, xénophobes ce jour-là, et c'est-à-dire que lors de ce meeting, on avait vraiment l'impression, enfin c'était un meeting qui a fait peur, et qui a d'ailleurs rappelé certains meetings pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nuremberg. Donc un meeting qui s'était déroulé également au Madison Square Garden, et qui est organisé par des nazis, en fait, hein, puisqu'il y en avait aux États-Unis. Et justement, même lors de son débat face à Kamala Harris, Donald Trump qui disait que les migrants haïtiens mangeaient les chiens et les chats, en fait, ça vient au départ d'une fake news qui avait été relayée par son colistier. Et l'origine de la fake news, c'était, il me semble, des néo-nazis, en fait, qui l'avaient... Voilà, de toute façon, la campagne de Trump était basée là-dessus, hein. Alors ça, c'était évidemment le plus explicite, mais il faisait aussi des allusions. Il recourait, par exemple, au dog whistling, c'est-à-dire qu'il faisait il parlait en langage en quelque sorte codé, mais que seule une partie de la population pouvait comprendre. Et ça, c'est quelque chose qui a marché. Hein. Ouais, vraiment des termes vraiment spécifiques qui sont relayés, qui parlent à certaines communautés, notamment les masculinistes. Voilà, exactement. Donc, je ne sais pas si je peux donner des exemples, mais, par exemple, il va dire, il y avait une dans sa campagne, il y avait une publicité où il disait « Kamala Harris is for they, them ». I am for you. Et en fait, ça a l'air complètement anodin, mais en fait, le recours à cette appellation they, them, c'est aussi c'est renvoyé aux droits des transsexuels aux États-Unis et de la communauté LGBT qui était visée. Hein. Et donc, et de la même manière, quand il parle de women's rights, c'est quelque chose qui peut paraître absolument normal, mais dans sa bouche, women's rights, c'est en opposition aux droits des LGBT, par exemple. Mais vous avez vraiment beaucoup d'exemples comme ça qui font que, en fait, vous avez un discours qui est assez convenu, il a l'air assez convenu, et qui, lorsqu'on le décrypte, on se rend compte finalement du message. Morgane, est-ce que tu peux enchaîner sur l'économie ? Oui, sur les conséquences. Oui, donc. Que prévoit Donald Trump du coup au niveau du programme économique au niveau américain, donc il y a certaines choses qui sont dans le projet 2025. Alors le projet 2020, enfin il y a tout un côté remodelage de l'appareil d'État américain, donc notamment il a nommé l'un des principaux rédacteurs au budget, qui est quand même un poste clé. Donc à quoi est-ce qu'on peut s'attendre, alors sachant qu'il y a le retour d'un certain isolationnisme américain. Il annonce déjà une hausse à 25% des tarifs douaniers au niveau du Canada et du Mexique, en fait. Qu'est-ce que... Et la répercussion sur l'Europe, en plus, là. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il entend utiliser, alors le maître mot, et d'ailleurs il le dit lui-même, le plus beau mot de la langue, c'est le mot tarif, donc les tarifs douaniers. Bon, c'est assez, c'est vraiment la clé de sa politique économique. Et il pense tout résoudre en utilisant donc les tarifs douaniers. Et également, et ça c'est quelque chose qu'on entend d'ailleurs un peu partout, c'est en réduisant aussi le nombre de fonctionnaires, avec la création de cette efficacité du gouvernement, notamment avec à la tête Elon Musk. Donc vous avez finalement des mesures qui seraient finalement financées par des coupes budgétaires dans l'administration, puisque de toute façon il y a une défiance vis-à-vis de cet état administratif qui est toujours dénoncé par les républicains et aussi par les libertariens qui désignent Washington comme la grande bête noire qui dépense et qui ne fait rien pour les Américains. Donc vous avez cet aspect-là et vous avez donc l'augmentation des tarifs douaniers qui va... je ne suis pas économiste, mais on sait que cette augmentation des tarifs douaniers va créer de toute façon de l'inflation aux États-Unis, c'est-à-dire les prix vont augmenter. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est Paul Krugman qui l'expliquait, c'est que cette augmentation des tarifs douaniers peut aussi être choisie et sélective, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on sait bien que Trump est à ses côtés quelques patrons. Et donc, il peut aussi choisir de sélectionner certains tarifs douaniers et de renforcer d'autres en fonction des affinités et aussi des dons de campagne. Tout ça, ça fait partie de la construction de sa politique économique. Oui, de ce que j'ai pu lire aussi, la question de l'administration pourrait résister. Elle a résisté d'ailleurs pendant son premier mandat et ici, il serait peut-être moins outillé pour le faire. Exactement. C'est-à-dire que dans son premier mandat, il le découvrait. Et donc, il sait les freins qu'il y avait. Donc, il les a clairement identifiés et il sait, en venant maintenant au pouvoir, comment faire. Et d'ailleurs, une des premières choses qu'il a dite, c'était justement je vais couper dans cet état administratif à l'aide d'Elon Musk, donc en faisant une sorte de purge en quelque sorte, on peut utiliser le mot, parce que ce sont des personnes qui ont la possibilité de justement apporter des freins à sa politique. Il faut savoir quand même qu'il y a actuellement, enfin en tout cas en 2025, il n'y aura aucun contre-pouvoir, puisqu'il aura avec lui la Chambre des représentants, le Sénat, la Cour suprême est à majorité conservatrice, et donc vous avez quand même une situation où si en plus, à l'intérieur même des administrations, il fait le ménage en quelque sorte, vous avez finalement aucun contre-pouvoir. Oui, je voulais parler du Sénat tout à l'heure, c'était pas ça du tout, c'est la Cour. Oui. Je me demandais s'il y avait quand même des démocrates dans cette Cour de 9 personnes. Alors oui, il y avait justement la première femme noire qui avait été désignée par Biden, par Biden. Et donc qui est encore à la Cour suprême. Mais une des possibilités, quand même assez... assez probable quand même, c'est la possibilité qu'il y ait deux juges de la Cour suprême qui partent à la retraite, justement pour permettre à Trump de vraiment ajouter, de pouvoir choisir deux juges conservateurs. Ce qui fait que vous auriez à la tête une Cour suprême à la botte de Trump jusque 2050. C'est quelque chose qui fait peur. Oui, en effet, oui. Sur le dossier étranger, on a quand même, au niveau diplomatique, on a quand même des inquiétudes assez marquées. Donc, il y a le conflit évidemment Israël-Palestine avec une franche propension à soutenir Netanyahou, évidemment. Il y a aussi le sud-est asiatique et Taïwan et la Chine qui est quand même un point assez critique, et aussi évidemment l'Ukraine, où Trump nous disait que sur un coup de téléphone ou en une semaine, il réglerait le problème. En 24 heures. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces trois dossiers essentiellement? Alors, la question de la politique étrangère de Trump, c'est une question assez difficile parce que le premier mot, c'est qu'il est imprévisible. C'est d'ailleurs pour ça que la communauté internationale est assez sceptique finalement vis-à-vis de son élection, parce que c'est quelqu'un sur qui on ne peut pas vraiment compter. parce que justement ces décisions sont imprévisibles. Alors on sait que bon, il y a des au niveau de l'Ukraine, on voit déjà de toute façon une certaine tension actuellement avant l'arrivée de Trump, avec des changements de stratégie aussi qui sont liés à ce changement international. De la même manière pour la question au Moyen-Orient, vous avez de toute façon Trump qui va être pro-Netanyahou, qui est pro... vraiment, de toute façon, les personnes qu'il a nommées justement pour s'occuper de la question du Moyen-Orient, ce sont des gens qui sont, on peut le dire, extrémistes. Avec son gendre qui comptait construire des buildings, enfin des hôtels dans la bande de Gaza. Exactement, et qui ne reconnaissent pas du tout la Palestine et Gaza en particulier. Et ensuite, au niveau de la question de la Chine, là, c'est vraiment, de toute façon, les tarifs douaniers sont liés à cette bataille avec la Chine. Donc, la question principale qui va être mise sur la table, c'est où sont les intérêts des États-Unis. C'est-à-dire que la question de cet isolement ou cette intervention à l'étranger, c'est quelque chose qui va être défini par ses propres intérêts. Il ne faut pas, de toute façon, aller voir plus loin. Parce qu'il avait quand même dit dans son premier mandat que bon, il rompait un peu avec la politique impérialiste entre guillemets et qu'il s'occupait plutôt des affaires intérieures. Exactement. America great again. Exactement, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il était contre les néoconservateurs, la branche néoconservatrice du Parti républicain. Notamment, vous aviez Liz Cheney, par exemple, qui a été au meeting de Kamala Harris. Et en fait, cette branche des néoconservateurs est plutôt interventionniste, donc ce qu'on appelle les hawks, ceux qui veulent vraiment intervenir à l'étranger. Lui, il était absolument contre, puisque pour lui, l'intervention à l'étranger, c'est une perte d'argent, c'est pas du tout bon pour l'intérêt des États-Unis. C'est pour ça qu'il demande l'augmentation des budgets militaires aux Européens, d'ailleurs. Exactement. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est non pas la force mise en pratique, mais en revanche, la question de la dissuasion, parce que c'est pas pour ça qu'il va diminuer finalement le budget militaire, au contraire, c'est plutôt pour justement faire peur, et juste la peur peut lui, selon lui, suffire pour... dissuasion. Exactement. Et pourtant, pendant son premier mandat, Trump avait affiché un soutien à Israël quand même assez fort, notamment ramener l'ambassade américaine à Jérusalem. Enfin, plein de choses qui ont accru les tensions au Moyen-Orient, et où on pourrait se dire que c'est de là d'où vient... des éléments qui ont alimenté le conflit actuel, en fait. Exactement, exactement. De toute façon, il a mis de l'huile sur le feu. C'est vraiment l'éléphant dans le magasin de porcelaine, quoi, en quelque sorte. C'est vrai que vous avez quelqu'un qui arrive là avec ses gros sabots et qui pense tout régler. Mais encore une fois, c'est-à-dire que la question, c'est de son imprévisibilité. Alors, au niveau d'Israël, ça, je pense que c'est tout à fait prévisible. Et on sait déjà ce qui va se passer. C'est un soutien indéfectible. Et de toute façon, Netanyahou a besoin aussi de ce soutien américain, parce que lui, il joue aussi sa survie politique. Et vous avez... la question du Moyen-Orient est, je pense, la question qui fait le plus peur à l'heure actuelle. C'est-à-dire que là, on... Et pour de bonnes raisons. Et sur... une question qui est quand même importante par rapport aux démocrates, à l'avenir des démocrates. Vous dites qu'il y a donc l'autopsie, Mais bon, est-ce qu'ils auraient plutôt intérêt à un recentrage ou plutôt à une radicalisation sur les traces de Bernie Sanders ou d'autres C'est vrai que c'est la question qui va se poser, et je pense que c'est lié à ce qu'on avait évoqué au début de l'émission, c'est-à-dire l'émergence aussi d'une personne plus charismatique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs noms qui émergent, notamment le gouverneur de la Californie, Newsom. Mais c'est vrai que c'est la question de ces tirages internes, finalement. Qu'est-ce qui va être le plus important pour eux? C'est aussi de se dissocier de ce caractère élitiste qu'ils incarnent, peut-être. C'est vrai que essayer d'avoir un discours qui est plus plus en phase aussi avec la classe populaire. Et c'est vrai que c'est quelque chose que les démocrates ont tendance à négliger parce que, et ça, c'est, je pense que c'est une des leçons à retenir de ces élections, c'est qu'ils ont pris pour acquis certains votes. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui pose problème, puisque se dire, tiens, je suis noir, donc tous les noirs vont voter pour moi, je suis une femme, toutes les femmes vont voter pour moi, c'est aussi une erreur de jugement de Kamala Harris et de son équipe. Voilà, oh. ça suffit pas. Et c'est vrai qu'en 84, il y avait eu la même situation face à Bush. Le candidat démocrate avait choisi une femme comme colistière, justement, en se disant je vais attirer le vote féminin. Ça n'avait pas fonctionné. Donc, et c'est vrai que c'est quelque chose qui doit être gardé en tête. Est-ce que c'est du sexisme américain, du coup ? Parce que ça fait quand même deux élections rapprochées, Hillary Clinton et Kamala Harris, où c'est une femme. Enfin, est-ce qu'on peut essentialiser La question, est vraiment là, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un gender gap, c'est-à-dire c'est-à-dire comment ça se fait qu'une femme ne peut pas être élue aux États-Unis, c'est une question qui est vraiment importante, et je pense que c'est lié aussi à la personnalité de Kamala Harris peut-être qui incarnait aussi quelque chose que certaines femmes conservatrices ne voulaient pas. C'est-à-dire qu'il y a du sexisme et du racisme. Voilà. Je pense qu'il faut le dire. Et vous aviez notamment le Moms for Liberty, qui est un syndicat de parents d'élèves aux États-Unis, qui est très, très conservateur et qui était notamment. Qui a participé à l'interdiction de certains livres dans des écoles aux États-Unis, notamment en Floride. Et ces personnes-là, justement, disent non, nous, la victoire de Trump, c'est une libération des femmes. C'est-à-dire que c'est une libération des femmes de ce féministe obscurantiste des années 70. Et woke. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez finalement un discours conservateur qui reprend les termes et qui va transformer la définition. Alors même que, justement, encore le projet 2025 prévoit d'aller encore plus loin dans la criminalisation de l'avortement et aussi de la pornographie. Mmh. Exactement, c'est-à-dire que ça, c'est le mouvement aussi donc traditionnaliste et aussi le lobby religieux qui est là bien présent pour renforcer ces mesures conservatrices. Et il faut aussi le rappeler qu'il va renforcer la division entre les États, ce qu'on appelle les États bleus et les États rouges. Mmh. C'est-à-dire que vous allez avoir des États conservateurs, donc pro-Trump, qui vont être avec des gouverneurs, donc républicains, qui vont être très conservateurs, et des États plutôt démocrates, qui vont être au contraire des havres, un petit peu, comme c'était ce qui s'était passé pendant le premier mandat de Trump, ces sanctuary, les sanctuaires finalement, où on n'appliquait pas. Où on réussissait à finalement contourner les législations fédérales pour contrer des politiques, la politique migratoire de Trump, par exemple. Et c'est comme ça qu'en Californie, ils avaient réussi à faire ces villes sanctuaires où on n'allait pas expulser les immigrants. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être aussi la solution à ce qui va se passer. C'est-à-dire que c'est au niveau aussi de l'État que peut se faire le contre-pouvoir. On va peut-être revenir sur la politique internationale. C'est marrant d'entendre ce « America great again » parce que j'ai l'impression, avec les BRICS et surtout ce qui s'est passé à Kazan juste avant les élections, que l' America great again » va en prendre un coup avec cette organisation qui est quand même internationale, avec une banque, un système d'assurance, le remplacement du système SWIFT par un système similaire mais pas américain. Qu'est-ce que tu penses de ce coup porté aux États-Unis qui va véritablement je pense que les BRICS, alors je rappelle, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, et le S, c'est pas le S d'Amérique du Sud, mais c'est le BRICS au pluriel. Afrique du Sud. Ouais. Et on est vraiment dans un monde multipolaire qui est en train de s'organiser, et pas vraiment joyeux non plus d'ailleurs, ce dit en passant. Non, exactement, c'est-à-dire que de toute façon, la puissance américaine, bon, il faut quand même garder à l'esprit que le dollar reste le point de référence dans de nombreux pays, et que le dollar reste très puissant, mais de toute façon, il est en nette... sa notoriété diminue, et de toute façon vous avez une politique aussi assez agressive de la part de la Russie dans les pays en développement pour réussir à contrer l'hégémonie américaine. Mais on peut penser par exemple à l'Afrique, vous avez de toute façon c'est un lieu qui a été un petit peu délaissé par les États-Unis, et où la Russie et surtout la Chine s'engouffrent finalement pour pouvoir au détriment finalement d'intérêt américain. Et c'est vrai que le choix, je vous l'accorde, n'est pas facile, puisque vous avez deux visions du monde qui sont complètement, complètement différentes. Mais de toute façon, c'est toujours la notion de vide, hein, de vacuum qui est présent. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez un vide, vous avez nécessairement quelqu'un qui vient prendre la place et qui vient poser ses intérêts. Alors, est-ce que les intérêts de la Chine se font quand même au détriment des populations locales? Oui, c'est une question. Et dans le problème, enfin, je trouvais en lisant les choses sur les articles sur le BRIC, c'est l'importance de la population qu'ils représentent. Et alors, en plus, s'ajoutent les pays partenaires, et puis les adhérents et les futurs partenaires, qui sont là en Afrique en particulier, toujours en Asie du Sud-Est encore. C'est quand même 4 habitants de la planète sur 10 qu'ils représentent en tout, et un taux de croissance de 7% actuellement sur ces dernières années, alors qu'en Occident, on est de 1,5%. On a quand même quelque chose qui est très très puissant, qui se met en place, et à mon avis, la première victime, ça pourrait être les États-Unis, non ? Exactement. De toute façon, ils sont en perte de vitesse, c'est peut-être un bien grand mot. En tout cas, ils ralentissent, hein, de toute façon. Et la politique que Trump va mettre en place avec les tarifs va ajouter, je pense, va ajouter finalement... cet isolement. Exactement, cet isolement, et surtout la difficulté de développer leur économie. C'est-à-dire que là, vraiment, on est sur un ralentissement et surtout, si les États-Unis ralentissent, voilà, il y a des conséquences aussi sur l'Europe et sur... Alors, est-ce que c'est un regroupement autour des États-Unis par avec l'Europe ? L'OTAN joue quelque chose, là aussi. C'est certainement un rôle. C'est sûr. Bon, très bien. Je pense qu'on peut, clore, même si, effectivement, il y a sans doute d'autres questions qu'on n'a peut-être pas encore abordées, mais bon, je pense qu'on... On va peut-être refaire une émission quand on en saura plus sur la politique menée par les États-Unis. Si les discours, les discours un peu d'Iran sont mis en pratique ou pas, ou en tout cas... Voilà, on verra à partir du 20 janvier. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Pas fini d'en rire et dire que ça n'est pas fini. Parmi les hommes, il y a toujours pire, il y en a aussi des pas finis. Celui-là, il y a un sacré doute, pas de doute, c'est la folie. Tous ceux qui ont croisé sa route à leurs dépens, ils ont appris. Il y a lui et puis les autres, un apôtre et les ahuris. Pas besoin de pousser à la faute, il y va seul comme un grizzly. C'est l'affront, il y a de quoi flipper, il est con, on le savait. Maintenant, il a le bouton, il serait capable d'appuyer. C'est un fou, c'est un fait, c'est un fou furieux. C'est un fait, c'est un fou, on ne pourra pas faire mieux. Et c'est fou comme on fait des folies des fois. Fallait le faire cette fois-ci, sa foi, in America. Tu crois que le pire est déjà derrière nous, mais le pire est à venir car ce monde est bien fou. La démocratie a parlé et nous a passé la corde de cou. Il ne tient qu'à nous pour défaire le nœud, renverser la tendance et refaire le jeu. Choisir son bon butin de vote et savoir à qui on se frotte. Il voudrait sauver le monde sans voir plus loin que son nombril. Confondre l'Irak, la Syrie, qu'importe, envoyer les missiles. Tant de débilité, dépité, sans aucune culpabilité. Ça fait flipper de voir des tarés jouer à la guerre les yeux fermés. USA, c'est pas la France. Ils sont fous, ils sont gras, bref on s'en balance. Tueurs de masse, lutte des races, mais quand on y pense, Ils font tout, premier classe et 10 ans d'avance. Élire le roi des pauvres, un patron de casino. Fils à papa, mégalo, Casanova, Quasimodo. Qui veut armer des profs, on sait jamais des fois que Mickey lui vole une terre volée. You damn motherfucker. Eh les mecs, je vous entends parler de cet infâme blanc. Un mauvais mix du vieux Le Pen et de Macron. Un gros raciste qui divise son pays. Et qui n'a qu'une piste, celle qui mène au profit. Un véritable choc de civilisation. On choisit la vie, eux, c'est tout pour le pognon. Cyrano l'a dit, les US ont 10 ans d'avance. Le C13 emmerde les mecs, quit again la France. C'est un fou, c'est un fait, c'est un fou furieux. C'est un fait, c'est un fou, on ne pourra pas faire mieux. Et c'est fou comme on fait des folies des fois. Fallait faire cette fois-ci sa foi in America. Ailleurs aussi on a du lourd contre le monde des rêveurs. De la Russie au Darfour, j'en passe des vertes et des meilleures. Les dictateurs attendent leur tour sous l'œil aguerri aguicheur de démocratie peu glamour qui s'arrange de toutes ces horreurs. Nous aussi on a des beaux qui construisent des murs à Calais. Laisser les gens dans le caniveau sous leur drapeau d'égalité. Et quand même le super-héros, personne ne pourra se tromper. Super Moumou de 120 kilos, un demi-cerveau aux abonnés. Et donc c'était Collectif 13, Trumperie. Et donc vous êtes bien sur Radio Campus 106.6 FM, DAB+, et sur le site campuslille.com, et c'est l'émission Angle d'Attaque. Et donc on passe aux actualités d'Attaque. Les actualités d'Attaque, donc on va d'abord passer aux actualités nationales, donc de la COP29 au G20, l'inaction climatique aux commandes. Donc après le Pérou, après l'Azerbaïdjan. Donc les pays riches s'obstinent à perpétuer une répartition des richesses de plus en plus inégale et une absence d'ambition en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Leur responsabilité dans le réchauffement climatique, la crise économique et la montée des extrêmes droites, ou encore dans la hausse des inégalités, n'en est que plus immense. Donc ça, c'est un communiqué d'Attaque. Ensuite, débattre et voter à Paris, c'est bien. Bloquer l'accord UE-Mercosur à Bruxelles, c'est encore mieux. Ouais, je voulais dire quand même, dans le G20, il y a les 5 pays organisateurs du BRICS. Absolument. Donc, sous pression, l'exécutif a enfin proposé un débat suivi d'un vote à l'Assemblée nationale à propos du très nocif accord Union européenne-Mercosur. Le mardi 26 novembre, le collectif Stop Mercosur en profite pour une remise de pétition de plus de 150 000 signatures contre cet accord. Un accord, on le verra, sur lequel on va s'organiser nous aussi au niveau local. Alors, Attaque soutient les mobilisations paysannes pour l'abandon du traité UE-Mercosur et du CETA. Donc l'accord Union européenne-Mercosur n'est qu'un rouage d'une mondialisation injuste qui creuse les inégalités et monte les travailleurs les uns contre les autres dans une course effrénée à la compétitivité. Enfin, comment organiser une action Amazon? L'évasion fiscale, c'est du vol. Donc l'action proposée est très simple. Afficher l'évasion fiscale, c'est du vol sur les bornes de retrait de colis ou les lockers d'Amazon partout en France. Donc l'opération devait se faire le 29 et 30 novembre. Pour nous, c'était ce matin. À l'occasion du Black Friday, évidemment, ces actions peuvent être menées individuellement et collectivement. L'invitation à la désobéissance civile, ça, non? Absolument, oui. Donc il y a deux événements qui ont eu lieu en rapport avec Attaque. Donc rapidement, sur l'Alliance écologique et sociale des 15 et 16 novembre, c'était donc le week-end dernier donc à Paris, où entre autres, toutes les organisations de l'AES étaient là, et on a décidé de soutenir évidemment la grève de la SNCF pour le fret ferroviaire et contre la privatisation des petites lignes. Et il y avait aussi un rassemblement des comités locaux les 16 et 17 novembre. Mais Christian y était et va nous en parler. Oui, à l'AES aussi, je répète, il me semble qu'on a parlé, parce qu'on en a parlé à la réunion des comités locaux, du canal Seine-Nord. Canal Seine-Nord, oui, monsieur. Qui n'est pas sans problème. On en a beaucoup discuté, nous, débattu en comité local cette semaine. Effectivement, ce qui apparaît, c'est que c'est pas une solution à rien. En fait, le n'apporte aucune solution le canal par rapport au camion. Je reviens sur la rencontre des comités locaux. Bon, c'était quand même pas mal intéressant. On a d'abord débattu sur les nouveaux statuts, une réforme des statuts. Il y a quelques mots qui ont changé, mais ils ne sont pas neutres. Les mots qui sont changés, c'est précisément pour prémunir les futurs manifestants arrêtés du droit de manifester. Voilà un peu le principe dans lequel on s'est... Les éco-terroristes. Oui. On attaque, essaie de changer un peu les mots qui permettent effectivement de contester l'arrestation, notamment. Donc, on est vraiment dans un esprit que aujourd'hui la répression policière et judiciaire est de plus en plus grave. Donc on se prémunit avec les statuts. Rendez-vous compte du truc, quoi, hein. Bon, à part ça, il y a eu effectivement des ateliers. C'est un peu le classique des rencontres des comités locaux. Plusieurs comités locaux donnent effectivement... explique ce qu'ils font. Et alors, si je peux me permettre, à Taclil, il y a Tacroubet-Tourcoing, puisque je te représentais, Monsieur le Président. Merci. On a parlé de la gratuité des transports. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on va continuer effectivement de défendre, non plus seulement sur le terrain de Roubaix, puisque là on est depuis des années, mais aussi sur l'ensemble de la métropole. Et pour ma part, donc, je suis intervenu j'y reviens tout de suite, sur l'étude que nous avons pu faire avec l'Université de Lille sur la mobilité des Roubaisiens et des Roubaisiennes. On a eu la possibilité, puisqu'on a répondu à un appel d'offres, d'avoir une étudiante de Master 2 qui a fait son mémoire de fin d'études, donc une durée de 6 mois, avec nous, sur le terrain, sur la mobilité des Roubaisiens et des Roubaisiennes. J'y reviens tout de suite d'ailleurs. Au niveau local, bon, on ne va pas se moucher du coude le mois prochain, ou les mois qui viennent en tout cas, puisque ce n'est pas moins de 3 débats publics qu'on voudrait organiser. C'était un peu annoncé par Didier sur le Mercosur. Évidemment, notre correspondant habituel, c'est Antoine Jean, donc représentant de la Confédération paysanne d'ici, qui est d'accord sur le principe, on n'est pas surpris. Et ce qui sera intéressant, c'est de trouver une salle en campagne, quoi. Et perso, je pense à Marquis, par exemple. Autre débat public avec Éric Boquet. Donc, Éric Boquet, il est venu le mois d'octobre ici, hein, je vous rappelle, pour parler de son bouquin « La dette à perpète » avec un point d'interrogation, dont la clarté et la pédagogie du bouquin, et lui-même au micro, a montré son talent de ce côté-là. Et il n'y a pas de raison de ne pas en faire profiter d'autres copains pour comprendre ce que c'est que cette putain de dette ou prétendue telle. Parce que bon, elle existe, mais effectivement, on peut s'en contenter, mais on peut s'en arranger en tout cas. Troisième débat, ça c'est avec le logement. Là, ce serait plutôt à Roubaix, semble-t-il. À la Falle de Roubaix. Oui, d'accord, à la Falle de Roubaix, comme le précédent, comme Éric Boquet, sans doute, non? Donc, 20 rue de Lille à Roubaix, hein, avec Hugo Boursier, qui est un journaliste de Politis et qui écrit pas mal sur Almagar. chose qui intéresse aussi beaucoup Médiacité, puisque j'ai eu la rédactrice en chef de Médiacité au téléphone récemment. Roubaix, c'est quand même quelque chose sur lequel Médiacité se penche beaucoup, et notamment sur un certain Guillaume Delbar, si je ne m'abuse. Absolument. Voilà, qui est en train d'assassiner tout un quartier. Enfin, c'est catastrophique. Bon, et puis, mobilisation, ben, Didier l'a dit, hein, The Black Friday, avec Amazon dans le collimateur, diffusion de tracts, matériel militant, et puis à déposer sur les lockers. Il y avait rendez-vous ce matin chez Match. Il y avait du monde, tu étais là ou pas ? J'y étais pas, non, parce que les tracts sont arrivés en retard. Donc... Ah d'accord. Bon, eh ben, j'ai bien fait de ne pas avertir les copains. D'accord, donc cet après-midi, par contre... au Sarrasin, j'ai toujours un peu de mal avec les Sarrasins, il y aura un débat sur la barbarie numérique avec Fabien Lebrun, au Sarrasin, rue des Sarrasins, à Lille. Oui, c'est bon, on termine c'est bon, là-dessus. C'est bon, alors. Voilà, ah oui, il est quand même 59, en effet. Et donc, on se retrouve en décembre. Le 21 décembre, et on parlera du budget de Barnier, s'il y en a encore. Merci, bon week-end. Salut. Au revoir. Tu veux dire du budget ?